François Morel. Depuis combien de temps je te connais ? Tu as raison, ça ne se dit pas. Un paquet d'années. Oh, puis tais-toi, ça ne regarde personne. Ce qui est sûr, c'est que ça fait un moment. Oui, ma chère radio de service public, j'avais envie de t'écrire une lettre. Une lettre de reconnaissance, une lettre d'affection. N'ayons pas peur des mots, c'est une lettre d'amour. Oui, j'ai eu envie de t'écrire une lettre d'amour après cette période de silence et de séparation forcée et ces orages qui ont éclaté dans un ciel toujours menaçant. Parce que bien sûr, nous eûmes des orages. 50 ans d'amour, c'est l'amour folle. Au début, toi et moi, c'est une relation interdite, clandestine. Souviens-toi, on se donne des rendez-vous en cachette, mais c'est juste une approche, le temps des préliminaires. Sous la couette, je t'allume et toi tu me fais voyager. Tu me fais découvrir le monde. À la fin de mes journées de lycée, pour te retrouver, je pédale ferme. Je ne veux pas rater un seul rendez-vous avec toi. À 17h, véritablement, mon cœur chancelle, rien qu'en écoutant le son de ta voix. Ça fait combien de temps qu'on se connaît ? On s'en fout, c'est pas la question. Ce qui est sûr, c'est que depuis ce temps-là, toi et moi, on ne s'est jamais quittés. Tu m'as sûrement appris le second degré un peu chic. Bonjour, quoi qu'il en soit, bonjour. Un peu suave, tu as fait mon éducation, tu m'as fait rire, tu m'as fait réfléchir. Dans le fond, tu m'as fait grandir. Parfois aussi, et je ne te félicite pas, tu réussissais à me détourner de mes études lorsqu'à 20 ans, je ne pouvais pas imaginer ma journée d'étudiant sans écouter Claude Villers, Louis Rego et Pierre Desproges. Et mon gourou ? Je ne savais pas alors que, mine de rien, je prenais des cours en t'écoutant, que ton humour, ton goût des mots me serviraient plus tard. Depuis combien de temps on est ensemble ? Si on te demande, dis que tu n'en sais rien. Je te fais confiance, tu sais être discrète, légère, secrète. Parce que c'est ça que j'aime en toi. Même si je me doute bien que je ne suis pas le seul à t'aimer, à te faire la cour, tu réussis à garder avec chacun une relation d'intimité et de proximité et de fidélité. Parce que quand tu t'adresses à moi, j'ai l'impression que c'est à moi seul que tu parles. Parfois, notre relation a pu agacer autour de moi, créer des jalousies. On pourrait pas rester 2 minutes sans ta radio. Tu veux pas lui couper le sifflet par moment ? J'avoue, j'ai tendance avec toi à être un peu exclusif. Un jour, toi et moi, c'est devenu vraiment sérieux. Je suis rentré dans toi, en douceur, sans violence. Soyons justes, au début, je crois que tu ne t'en es pas tellement aperçu. Moi, j'étais trop impressionné, je perdais mes moyens, et toi, ça ne te faisait ni chaud ni froid. Et puis, on s'est apprivoisé, j'ai pris un peu plus d'assurance, et j'ai commencé à négocier mon désir. Toi, de ton côté, tu ne semblais pas mécontente. Aujourd'hui, on est en train de penser pour toi, on dit qu'il te faut évoluer, que tu dois épouser le siècle nouveau, peut-être, que tu dois faire des économies, des efforts, sûrement. Mais n'oublie pas de rester ce que tu es, ne cherche surtout pas à singer la télévision, prends le temps, n'aie pas peur des silences quand ils sont les temps de la pensée, de l'émotion, ne crains pas d'être zappé, ceux qui t'abandonnent trop vite ne te méritent pas, ne te vends pas aux marchands et aux publicitaires, sois généraliste tant que tu veux, mais ne sois pas commune, sois fédérative autant que tu peux, mais ne sois pas ordinaire. Parce que si un jour tu cessais complètement d'être insoumise, curieuse, intranquille, moi, je t'aimerais un peu moins, et puis un jour, je pourrais ne plus t'aimer du tout. Prends soin de toi, ma chère radio de service public. Ce n'était rien d'autre qu'une lettre d'amour. Et la vie serait moins belle sans François Morel. Merci beaucoup François Morel.